J'ouvre les yeux et je regarde, je vois ma terre et puis le ciel. Un oiseau siffle, un oiseau vole devant les portes, caresse leurs ailes. Un enfant chante un autre lit, un enfant joue un autre rit. Aucune entrave, ni lien, ni chaîne, aucun fusil n'effraie ma vie. Je peux penser, je peux parler, j'ai droit d'aimer et respirer. Je peux crier, je peux pleurer sans avoir peur d'être jugé. Je peux sourire et même rire sans aucune crainte d'être frappé. Je peux tout lire, aussi écrire, j'ai droit de dire ma liberté. T'ouvre les yeux et tu regardes, tu vois une terre et puis un ciel. Des ombres noires volent sans te voir dans un silence presque irréel. Un enfant pleure, un autre crie, un enfant peine, un autre prie. Fil barbelé, mur et prison, les armes grondent, torturent ta vie. Pas de pensée, pas de parole, ni droit d'aimer, juste respirer. Quelques sanglots, étouffés par cette peur d'être jugé. Ne pas sourire, surtout pas rire, dans cette crainte d'être frappé. Pas de lecture ni d'écriture, pas même le droit de t'exprimer. Je vis ici dans ce pays où vivre libre est comme un droit. Le goût de l'air, l'odeur des gens, tout n'est que l'art, sucré de joie. C'est si normal, si habituel, nos différences sont acceptées. La vie ici tolère mes choix, ma foi aussi est respectée. Tu vis là-bas, dans cet endroit où vivre libre est un combat. Le goût du sang, l'odeur des gens, tout n'est que larmes salées des poings. C'est si banal, si ordinaire, être en souffrance est ton chemin. La vie ailleurs, tu ne sais pas, personne ne part. Le monde fin. Je pense à toi, je pleure pour toi, je veux t'aider à respirer. Je crie, je parle, je marche pour toi, pour dire au monde la vérité. Pouvoir écrire, pouvoir te lire, te voir aimer et être aimé. Dans ton sourire comme dans tes rires, savoir enfin ta liberté.